Et les mecs, il faut que vous disent, j'ai ramené Océane sur cette dame. Il va falloir vous montrer sous votre meilleur jour. On veut la ramener, on veut la voir s'inscrire avec nous dans la secte ninja, faire de la musique dès que la nuit, dès que l'ennui pointe son nez, faire de la musique plutôt que de voir son estomac explosé. Pas quatre bols de flocons d'avoine. Au piano, c'est Till Over. Il est à Bordeaux, c'est un petit jeune. Il est excellent. Thank you. love you, we love you, Dawn. Thanks a lot, you are amazing. La vie est belle et si courte. Prenons une pelle, traçons la route. Roulons une pelle, traçons la route. Mangeons la belle, laissons la croûte. C'est la plus belle, sans un doute. 1, 6. Vas-y, t'étais parti là, t'étais bien. Ça fait combien? Je sais pas. Moi j'ai fait R, mais j'ai bu et j'ai fumé. 9, ça fait 15. Plus 1, 13. 1, 5, 6, soleil, 13, ciel, 14, 1, maison, 6, jardin. 13, enfant, 14, 20. Pression, amour, travail, passion. pays. Patron, travail, patrie, caleçon. Oh. Pas d'enfant, pression. Question. Sans réponse. Personne, personne. Quelqu'un a une solution. Pression. Tension. Attends. Platon, Platon, Pluton, Pluton, rétrograde, passion, lion, addiction, bah non, addiction, bah c'est non, parce que pas de reproduction, si trop d'addiction. Et vous, sinon, ça va ? Piano, percussion, micro, vibration. Ah, c'est moi qui commence aussi. Je peux ? Merci, oui. Trop jolie sa guitare, mais il fait pas. Si, il est trop fort. fleurisse ma vie. Ce qui fleurisse ma vie, c'est la jolie maman qui m'a mise au lit. C'est les gentils parents qui m'ont mise en vie. C'est le joli amant m'a fait un bisou magique. C'est la vie qui ment, c'est la vie de plastique, c'est la vie du moment, c'est la vie qui brûle, qui pique. S'amuser qui me pique, c'est la vie du moment qui malte et qui jette des briques. Aïe aïe aïe aïe maman. Maman maman. J'ai mal les habits. Aïe aïe aïe aïe du vent. Rester un moment sans hic. Il est l'heure de passer un moment. Sans fuite. Il est l'heure de passer le moment. Pas d'empressement.